petit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que on fait des choix. Mais c'est une crainte.